السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, son aide et son assistance, seul sans associé, voici que les jours de Ramadan avancent et que ces nuits se succèdent. Et nous avons pu, par sa grâce et son assistance, wa la hawla wa la quwwata illa billah, jeûner et prier. Il y a une grande sunna dans la vie du croyant, et plus particulièrement dans les nuits du mois de Ramadan, qui est qiyamul layl, la prière de nuit. C'est-à-dire après l'Isha et avant al-Fajr, mais avant al-Fajr. Et cette prière est Salatul Tarawih. Habituellement, la grande masse, la grande majeure partie des musulmans se dirigent vers les mosquées, les demeures d'Allah et peuplent celles-ci. Mais cette année, قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالْ. Allah Azza wa Jal a décrété qu'il en soit que cela soit différent cette année, afin de nous éprouver, de nous tester. Qui est véridique dans son amour pour Allah? Qui est véridique dans sa dévotion et ses efforts? Est-ce que le fait de ne pas être à la mosquée va nous empêcher d'adorer Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on adore Allah dans la facilité, mais pas dans la difficulté? C'est pour cela que j'ai choisi pour rappel la prière de nuit. La prière de nuit. Aussi, dans les premiers jours, il y a de la motivation, il y a de l'engouement. Et lorsque certains jours passent et certaines nuits défilent, il se peut que le musulman ou la musulmane soit touché par al-futur, par quelques faiblesses et démotivations. Ainsi, il convient aux musulmans de se conseiller mutuellement et aux tullab al-ilm et au talab ilm de conseiller la communauté afin qu'on se motive et qu'on mette en pratique cette partie du noble verset d'Allah Azza wa Jal, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, et entraidez-vous dans le bien et la piété. Et parmi les meilleures provisions que tu emportes, cher frère, chère sœur, avec toi dans ta tombe, puis pour ton voyage vers l'au-delà, puis ta comparution chez Allah subhanahu wa ta'ala, et ton jugement, la pesée, la balance, la traversée du sirat, une des meilleures provisions que tu emportes avec toi est la prière, sans aucun doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par Abdullah radiallahu anhu, qui lui dit: ô messager d'Allah, quel est l'acte le plus aimé chez Allah Azza wa Jal? Il répondit: la prière en son temps. Donc la meilleure adoration après Shahadatan, c'est la prière. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on se rapproche davantage de lui, pour qu'on soit encore plus élevé en degré dans son paradis, pour qu'on fasse encore plus de causes d'expiation, de péché, de pardon et de miséricorde, il nous a légiféré des actions en plus, afin qu'on se rapproche de lui et qu'on soit aimé par lui. Dans le hadith Qudusi, dans le hadith à thème divin, et mon serviteur ne se rapproche pas par une action que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Dès lors, et plus par la suite, et il ne cesse de se rapprocher de moi par des actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Donc le fait de prier la nuit en plus des prières obligatoires, c'est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, Al-Wadud, Al-Rahim, Al-Latif, t'aime, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous a diversifié ses adorations entre obligations et actes recommandés. Et on s'éloigne du terme surérogatoire lorsqu'on parle d'adoration. Car le mot surérogatoire signifie des ajouts non nécessaires. Et l'adoration, elle sera jugée le jour dernier. La prière sera jugée le jour dernier. On dira aux anges de regarder les prières du serviteur. Et s'il y a des imperfections, on demandera aux anges de regarder est-ce qu'il y a des actions en plus recommandées pour venir pallier à ces imperfections dans les actes obligatoires. Donc les actes recommandés pourront éviter l'enfer au serviteur. Les actes recommandés amènent l'amour d'Allah sur le serviteur, amènent la baraka, la bénédiction dans ses paroles, dans ses faits et gestes. Donc il nous faut redoubler d'efforts dans la prière de nuit, dans l'année de manière générale, et plus particulièrement dans les nuits du mois de Ramadan. Dans les nuits du mois de Ramadan. C'est la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala a vanté les mérites et a fait les éloges de ceux qui prient la nuit. Dans Suratul Furqan, Allah Azza wa Jal nous décrit à la fin de cette surah les serviteurs du Tout Miséricordieux, ceux qui ont une place particulière, ceux qui ont une dévotion spécifique. Il nous dit وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ce qui signifie ceux qui passent leur nuit devant leur Seigneur, prosternés et debout. Prosternés et debout. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal te voit. Allah Azza wa Jal t'entend. Allah subhanahu wa ta'ala aime ce que tu fais. Aime ce que tu récites, sa parole, tabaraka wa ta'ala. Allah parle de toi ici, fais tes éloges. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ceux qui passent de leur nuit en prière devant leur Seigneur, prosternés et debout. Dans Sourate Sajda, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ceux qui se lèvent et prient une partie de la nuit. Ils invoquent Allah azza wa jal sincèrement et ils font ces actes d'adoration avec peur du châtiment d'Allah et qu'il n'accepte pas d'eux et avec espoir de ses dons, de sa miséricorde, de son pardon, de son acceptation. Et parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils font des sadaqat. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de leur récompense et nous dit que personne ne sait ce qu'Allah leur a réservé. Allahu Akbar. Personne ne sait ce qu'il leur a réservé. Donc, le croyant qui lit ces textes doit aimer cette adoration et doit chercher à invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il la lui facilite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. L'imam muslim nous rapporte ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure des prières après la prière obligatoire est la prière de nuit. Est la prière de nuit. S'il en est ainsi durant toute l'année, que dire alors durant ce mois béni, le mois de Ramadan, le mois durant lequel le Coran a été révélé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens de Médine sont sortis vers lui. Certains ne l'avaient jamais vu, certains l'avaient vu, ils se sont réjouis. Ils n'ont jamais été heureux, autant heureux que le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez eux. La ville n'a jamais été illuminée comme le jour dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, ce fameux lundi. Et les compagnons nous disent parmi les premières paroles qu'on entendit de lui, « Ayyuha nas » أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala nous rapporte que le prophète sallam a dit sallallahu alayhi wa sallam a dit ô vous les gens, répandez le salam, C'est-à-dire, saluez-vous les uns les autres en disant Assalamu alaykum, ou bien Assalamu alaykum wa rahmatullah, ou bien Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et l'autre lui répondra Wa alaykum assalam, ou bien Wa alaykum assalam wa rahmatullah, ou bien Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainsi, il aura 30 récompenses. Répandre le salam. Ô vous les gens, répandez le salam ou le salut. Wa at'imu at'am, et nourrissez les gens. Wa silu al-arham, et liez les liens de parenté. Wa sallu bil-layli wa an-nasu niyam, et priez la nuit alors que les gens dorment. Voici la recommandation du serviteur d'Allah et de son messager. Voici la recommandation de la meilleure créature d'Allah. Voici la recommandation de celui qui voulait plus le bien pour nous que nous-mêmes. Cher frère, que vas-tu faire de la recommandation de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Chère sœur, que vas-tu faire de la recommandation de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Wa sallu bil-layl wa an-nasu niyam, et priez de nuit alors que les gens dorment. Quelle sera la récompense? Tadkhulul jannah, vous entrerez au paradis. Tadkhulul jannata bisalam, vous entrerez au paradis en sécurité. Vous entrerez au paradis en sécurité. Donc la prière de nuit est une chose ayant une grande valeur. Un jour, Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Muhammad, عيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. Ô Muhammad, vis le temps que tu voudras. Vis le temps que tu voudras. Certes, tu mourras. Et aime qui tu veux. Tu t'en sépareras. Et fais ce que tu veux. Et fais ce que tu veux. Tu en seras rétribué. Tu en seras rétribué. Et sache que la noblesse du croyant réside dans sa prière de nuit. Et sache que la noblesse du croyant réside dans la prière de nuit. Je reprends le hadith. Ô Muhammad, vis ce que tu veux. Tu seras amené à mourir. Aime qui tu veux, tu seras amené à t'en séparer. Et fais ce que tu veux, en conséquence tu seras rétribué. Et sache, وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ, et sache que la noblesse du croyant réside dans le fait qu'il prie la nuit, qu'il se lève la nuit. Donc voici une grande adoration. Voici une grande adoration qui nous a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Un homme est venu voir, ou avant cela, la prière de Tarawih fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le raconte Aïcha, notre mère radiallahu anha, kharaja laylatan fi jawfi al-layl, fa salla fi al-masjid. Dans la nuit, au milieu de la nuit, il est sorti, il a prié à la mosquée. Wa salla rijalun bi salati, et certaines personnes ont pris pour exemple, et ont pris derrière lui, l'ont pris pour imam, et ont pris derrière lui. فأصبح الناس ف فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم. Les gens se sont ont répandu l'information arrivée au matin. Par la suite, ils se sont réunis et étaient encore plus nombreux. فصلّى فصلوا معه. La nuit suivante, il a prié et ils ont prié avec lui. فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليل من الليلة الثالثة. La nuit suivante, donc la troisième, les gens se sont réunis et étaient vraiment nombreux. Ils se sont réunis à la mosquée et étaient vraiment nombreux. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته. Il est sorti à nouveau, il a prié, ils l'ont pris pour imam. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. La quatrième nuit, la mosquée était bondée de personnes. La mosquée était bondée de personnes jusqu'à ne plus pouvoir en accueillir. La mosquée fut débordée de gens qui priaient jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit pour la prière du matin. Donc les gens l'ont attendu en espérant prier avec lui. Mais Aïcha radiallahu anha nous dit, il n'est sorti que pour l'aube. فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرُ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ. Lorsqu'il finit la prière de l'aube, et vous remarquez dans le hadith qu'on nous a cité salat ou subh et on nous a cité al-fajr, ce sont donc deux synonymes, la prière d'al-fajr et la prière du subh, tous deux font référence à la prière de l'aube. Et par moment, on dit le fajr, et on entend par cela la sunna. Donc, sunnatul fajr, sunnatul subh, ce sont les deux raka'a à faire de manière recommandée, très recommandée, fortement recommandée après l'adhan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir fini cette prière, tashahad, il prononça Al-Shahada et dit Amma fa'innahu lam yakhfa alayya makanukum walakinni khashitu an tufraza alaykum fata'jizu anha fatuwfiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal amru ala dhalik. En effet, votre présence ne m'était pas cachée. Donc il savait qu'il était attendu pour la prière. Mais j'ai craint qu'elle ne vous soit rendue obligatoire et que vous en soyez incapable. Le prophète alayhi salam a eu peur qu'on rende obligatoire aux croyants la prière de nuit. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut sans que cela ne changeât. Par la suite, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, afin qu'on sache comment est venue la prière de Taraweh en groupe. Donc, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, dans un premier temps. Et après son décès, ne redoutait plus qu'elle devienne obligatoire. Ainsi, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, une nuit, Omar ibn al-Khattab est sorti. Une nuit de Ramadan, il est sorti à la mosquée. Et il a vu les gens par petits groupes et les uns priaient dispersés et individuellement, moins de 10 personnes et ainsi de suite. Omar a dit Inni ara law jama'tu ha'ula ala qari'in wahidin lakana amthal. Omar al-Khattab a dit je vois qu'il serait mieux de les rassembler derrière un seul lecteur. Il serait mieux de les rassembler derrière un seul lecteur. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيْ بْنِ كَعْبٍ. Puis, Il se décida à le faire et il les rassembla derrière Ubay ibn Ka'b, un des savants du Coran, un des lecteurs du Coran. Et lors d'une conférence prochaine, Inch'Allah, au futur, on mentionnera une histoire avec Ubay ibn Ka'b, une histoire bouleversante avec Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu. Abdurrahman, qui était avec lui, nous dit ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعمة نعمة البدعة هذه. Puis Omar al-Khattab une nuit est sorti et les a vus donc réunis derrière un seul imam et a dit: quelle excellente innovation! Quelle excellente innovation! C'est-à-dire, dans le sens linguistique, c'est lui le premier calife à avoir revivifié la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. On sait tous que la prière est une chose légiférée, que la prière de nuit est une chose légiférée, et que le prophète sallam a prié trois nuits avec les compagnons. Donc ça n'est pas une innovation religieuse. Bien évidemment, il n'y a aucune bonne innovation religieuse. Aussi, un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la prière de nuit. Il lui a répondu: prie de deux en deux. C'est-à-dire, tu entres en prière, tu dis Allahu Akbar, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, tu récites Al-Fatiha, puis ce qu'Allah t'aura facilité, et ainsi de suite, puis une deuxième raka'a, puis tu fais le taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. De deux en deux, comme cela. Puis, lorsque tu craindras l'entrée de l'aube, prie le witr. Witr signifie impair. Le witr, le minimum, c'est une raka'a. Le minimum, c'est une raka'a. La sunna est de réciter qul wallahu ahad après le fatiha. Et celui qui fait trois raka'at, la sunna est de rester après le fatiha, sabbihisma rabbika al-a'la, et dans la deuxième raka'at, qul ya ayyuha al-kafirun, et pour finir, qul huwallahu ahad. Donc, voici la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on fait le witr, c'est pour clôturer. Donc celui qui veut continuer à prier, il ne fait pas le witr. Il essaye de faire en sorte que sa dernière prière soit le witr. Mais dans le cas où il a prié, sans avoir l'intention de se lever pour prier avant le fajr, et que finalement Allah lui facilite à se lever avant, et qu'il veut prier, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il fait des raka'a, il fait des du'a, il fait des invocations, il lit le Coran, et une grande sunnah. Il fait de l'istighfar. Il fait de l'istighfar. Il demande pardon à Allah Azza wa Jal. C'est une sunna au temps du sahar. Comme Allah dit en Coran, وَبِلْ أَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. À la fin de la nuit, il demande pardon à Allah. Et la sunna est, après l'Isha, de faire deux raka'a. C'est ratiba. Ça entre dans les 10 ou les 12 rawatib par jour. Et ensuite, il fait 11 raka'a. Ensuite, il fait 11 raka'a. Ça, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Aisha, radiallahu anha, nous dit: Kana al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, yusalli min al-layl 13 raka'atan yu'tiru min dhalika. يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن متفق عليه ويوتر بسبعين الحديث. عائشة رضي الله عنها ندي que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait de nuit 13 unités de prière. Il faisait le witr parfois en 5 rak'at sans s'asseoir, si ce n'est à la dernière. Donc le 8, on peut faire une, on peut faire 3, on peut faire 5 avec un seul taslim. Et en général, il faisait 2, 2, 2 et il clôturait avec une. Dans l'autre hadith, Aisha radiallahu anha nous dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. Le prophète صلى الله عليه وسلم du Isha au Fajr priait avec 11 unités de prière. Et à chaque 2 unités, il faisait le taslim. C'est-à-dire qu'il disait Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah pour sortir de la prière. Et il faisait le witr avec une unité de prière. Il nous est également rapporté dans le Bukhari Muslim, Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli arba'an. Prophète priait 4 d'un coup. C'est-à-dire il faisait 4, puis il faisait le taslim. Il faisait 4, puis il faisait le taslim, puis il faisait le witr. Et on peut supposer que c'est après 2 unités de prière qu'il faisait le taslim. Maintenant, sur la longueur, la sunna pour la prière de Tarawih, c'est, ou la prière de nuit tout simplement, c'est d'allonger la lecture. Que signifie allonger la lecture? C'est réciter plus que d'habitude. Réciter plus que d'habitude. Plus que l'imam fera à la mosquée en temps général. Lorsque nous passons sur un verset où il y a la mention de la miséricorde du paradis, on demande à Allah de ses bienfaits. Lorsque nous passons sur un verset où il y a le châtiment, la menace, nous demandons à Allah la protection. On allonge l'inclinaison et on allonge la prosternation en fonction de l'allongement de la lecture. C'est une sunna dans la prière de nuit. Et sachez que la prière de nuit pendant Ramadan a un mérite plus particulier. Et plus aimé chez Allah subhanahu. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. L'imam al-Bukhari Muslim nous rapporte que le prophète sallam a dit celui qui se lève les nuits de Ramadan avec foi et espoir, c'est-à-dire qu'il prie la nuit, avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. Il se verra pardonner ses péchés passés. Il a foi en Allah. Il espère la récompense. Il espère la récompense chez Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait des efforts pour cela. Allah lui efface ses péchés passés. Il a foi en Allah. Il a foi en la récompense qu'Allah lui a préparée. Car il fait partie de ceux qui se lèvent la nuit et prient la nuit, comme a expliqué Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Ihtisaban, il espère la récompense chez Allah. Il la recherche. Il la recherche. Il ne fait pas cela avec ostentation. Ni pour obtenir de l'argent ou autre, non. Mais il recherche la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il convient à chaque croyante de faire des efforts dans la recherche de la récompense d'Allah, ou la recherche de son paradis, la recherche de son pardon, de sa miséricorde. Il ne faut pas laisser passer une nuit sans prier, alors qu'on en a la capacité. Celui qui faiblit, il lit les mérites de la prière de nuit. Celui qui faiblit, il se repose et il prie par la suite. Il se repose, il prie par la suite, il demande l'aide à Allah Azza wa Jal. Il prie selon ce qu'Allah lui a facilité, il n'est pas obligé de prier de longues heures, durant. S'il est très fatigué, il prie au minimum un peu, il récite avec Qul Huwallahu Ahad, il récite avec Wal Asr, il récite avec Inna A'tayna Kal Kawthar. Kullu Hadha Khayr, tout cela est bien, tout cela est bon, tout cela est excellent même. Et il invoque un peu, il demande à Allah son paradis, il demande à Allah la protection contre l'enfer. Il dit au minimum Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il dit astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni a'udhu bika min an-nar. Il demande le paradis, il demande protection contre l'enfer. Donc il faut faire des efforts, il ne faut pas laisser la prière de nuit parce que nous sommes fatigués. Ayyaman ma'dudat, sont des jours déterminés. On nous dit ça pour nous montrer que c'est facile, aussi pour nous dire que ça passe vite, attention. Ne laissez pas les nuits passer, il faut rentabiliser chaque nuit. Il faut rentabiliser chaque nuit. Chaque nuit, Allah Azza wa Jal sauve des gens de l'enfer, affranchit des gens de l'enfer. On ne sait pas si dans les nuits passées, les 4, 5, 6, Est-ce qu'on a été parmi les affranchis ou pas? On ne sait pas, on espère, on demande. On agit, on fait, on travaille. On prépare notre au-delà, on prend nos provisions pour l'au-delà. On prend nos provisions pour l'au-delà. Et ces différents cours qu'on se rappelle, c'est justement ça le sujet. C'est justement ça le sujet, nos provisions vers l'au-delà. Les provisions du jeûneur cheminant vers l'agrément du Seigneur. Parmi les plus grandes provisions, la prière de nuit. Barakallahu fikum. Donc la prière de nuit pendant le mois de Ramadan a une particularité dans son mérite. Celui qui prie seul, il allonge autant que possible. Par contre, celui qui prie avec des gens, il allonge plus que d'habitude, mais il doit prendre en considération leur situation, leur état, leur fatigue, leur maladie, ainsi de suite. Car il nous a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole-là. Ayyukum amma an-nas falyujiz fa inna min wara'ihi al-kabira wad-da'if wa dhal-haja. Quiconque parmi vous dirige la prière pour les gens, qu'il écourte. Car il y a derrière lui la personne âgée, le faible et celui qui a un besoin. Et dans une autre version, فَإِذَا صَلَّ وَحْدَ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ. Et dès lors qu'il prie seul, qu'il prie comme il le souhaite, qu'il allonge comme il le veut. Donc on fait attention à la famille, à l'épouse, aux enfants. Na'am. Et notre frère Saad Akwafakahullah avait été guidé lorsqu'il a intitulé une série de cours « Ce que le coronavirus m'a appris ». Ce que le coronavirus m'a appris. Et j'ajoute à sa série, parmi les choses, parmi les leçons qu'on a tirées, c'est l'adoration en famille. À la base, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous les hommes, nous sommes dans la mosquée. Et beaucoup de nos familles prient à la maison car il y a des enfants en bas âge. Mais là, dans le confinement, là, dans cette situation de par la fermeture des mosquées, nous prions. Et on voit la dévotion des femmes. On voit la motivation des enfants. Donc ce que le coronavirus nous a appris en plus, c'est la valeur de la famille. Et l'entraide dans l'adoration avec la famille. Na'am. Et le fait d'encourager les femmes et les enfants dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et de leur donner du temps. De leur donner du temps. Et de montrer l'exemple. Et certes, lorsque la femme prie seule, elle va réussir par exemple à prier un hizb. Il y en a avec 10 pages de Coran. Et c'est magnifique. Mais lorsqu'elle a une motivation supplémentaire, et l'enfant par exemple va réussir à prier un demi-hizb ou un hizb, mais lorsqu'il y a une motivation supplémentaire, ben subhanallah, ils tiendront deux hizb ou plus encore. Ils tiendront plus de 20 pages. Ils tiendront plus de 20 pages. Bifadlillahi tabaraka wa ta'ala wa tawfiqihi wa ihsanihi innahu al barru rahim. Donc, il faut motiver les familles. Il faut s'entraider en famille, prier en famille. Non, mais lorsqu'une personne faiblit, l'autre la renforce. L'entraide dans la famille ne doit pas être que dans le fait de poser le plat, de faire le ménage, non, dans l'adoration. Dans l'adoration. C'est une cause de miséricorde. Ça met la miséricorde dans le foyer, cette adoration-là. Ça met la miséricorde dans le foyer. Combien parmi les pieux prédécesseurs se succédaient dans la prière de nuit et priaient ensemble? Et ça mettait l'amour dans le foyer, ça mettait la miséricorde, ça chassait les problèmes et les soucis. Naam. Donc la prière de nuit pendant le mois de Ramadan a une particularité. Allah Azza wa Jal efface les péchés passés. Donc, occupons nos heures du jour et de la nuit avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous que ces jours-là passent très rapidement et ces nuits-là passent. Et on ne sait pas si l'année prochaine nous serons encore vivants. Combien sont ceux qui avaient un programme pour cette année? Certains même se sont inscrits à la Umrah de Ramadan. Mais entre eux et ces longs espoirs, entre eux et cette longue espérance de vie, la mort s'est présentée. Donc il nous faut utiliser le temps présent. Le passé, on ne peut pas revenir. On peut se repentir pour nos péchés. Mais on ne peut pas retourner en arrière pour corriger et faire ce qu'on n'a pas fait. Non, on peut se repentir pour effacer les fautes. Le futur, il n'est pas dans notre main. On ne sait pas ce qui adviendra de nous. Mais là, on est dans le présent. On peut faire du zikr. On peut faire des du'as. On peut jeûner. On peut prier. Il nous faut occuper ce temps présent. On peut occuper ce temps présent. Donc voici la recommandation que je m'adresse à ma faible personne ainsi qu'à vous-même. Cette grande récompense, il faut vraiment la considérer. Il faut l'immensifier. Et chaque nuit, il faut essayer de faire mieux que la veille. Faites beaucoup d'invocations. Faites beaucoup d'invocations. Faites beaucoup d'invocations. Barakallahu fikum. Pour la prière de nuit, est-ce qu'il nous est permis de tenir le mushaf dans la main? Celui qui a cette nécessité-là, il lui est permis de prendre le mushaf. Et s'il récite par cœur, cela est meilleur pour lui, comme nous le disent les savants. Il peut prier seul. Ils peuvent prier seuls, ils peuvent prier en groupe. Dans le cas où il y a un homme et plusieurs autres personnes, il se mettra devant. Si ce sont des garçons, ils se mettent derrière en rang. Si ce sont des femmes, elles se mettent derrière en rang. S'il y a garçons et filles, les garçons se mettent derrière lui en rang. Puis les filles derrière les garçons en rang. S'il y a un seul garçon et des filles, le garçon se mettra à droite de l'imam, qui ne peut être qu'un homme. Et les filles se mettront derrière. Et les filles se mettront derrière. S'il n'y a que des femmes, elles se mettent en rang. Et la femme qui dirige la prière ne se met pas devant comme le font les hommes. Mais elles se mettent dans le rang, au milieu, sur le côté. Au milieu, sur le côté. Et je vais corriger une chose. Il me semble avoir dit dans le deuxième cours. Dans le cas où le petit garçon ne sait pas prier, qu'il prie avec une femme de sa famille, elle ne dirigera pas la prière. Mais elle priera pour elle. Elle priera pour elle et lui, elle lui montrera, elle lui enseignera, elle lui montrera la prière. Il priera, elle lui apprendra, et ainsi de suite, mais elle ne fera pas l'imam. Elle ne fera pas l'imam. Il a été rapporté le consensus à ce sujet, c'est que la femme ne peut pas présider la prière pour les garçons, pour les hommes. Donc je corrige cela, il me semble avoir dit cela au cours numéro 2. Si je ne me trompe pas au cours numéro 2. C'est une erreur de ma part. Barakallahu fikum. La prière de nuit, le mieux c'est de la faire à voix haute. Le mieux c'est de la faire à voix haute. Et c'est permis de la faire à voix basse. C'est permis de la faire à voix basse. On poursuivra ce sujet, incha'Allah ta'ala, et on traitera le sujet du mérite de la lecture du Qur'an. Le mérite de la lecture du Qur'an. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.